pas, mais quand j'aurai ma photo bientôt dans les journaux, tu n'auras plus l'idée de me laisser tomber. Te moque pas, mon professeur de guitare l'a dit devant des gens, que je réussirais, que j'aurais du succès. Aime-moi, aime-moi, j'ai tellement besoin de toi. Donne-moi un peu d'amour, un peu de temps. Tends la main, aide-moi, je me sens bien quand tu es là. Donne-moi encore un mois, encore un an. Bébé, te moque pas. Quand tu me vois tout seul chanter avec cette voix, je suis heureux, tu sais, quand je chante en français. Oh bébé, t'inquiète pas. Un jour nous deux, oui toi et moi, oh, on s'aimera. Je ne te ferai plus pleurer, je viendrai te consoler. Aide-moi, j'ai tellement besoin de toi. Donne-moi un peu d'amour, un peu de temps. T'en vas pas, aide-moi, oublie la. Oh, donne-moi encore un mois, encore un an. Je t'en supplie, oh, ne me quitte pas. J'ai encore tant besoin de toi. Donne-moi de ton amour et de ton temps. T'en vas pas, aime-moi. Would you be love? Oh, baby. Seul, si seul sans toi. Donne-moi un peu d'amour, un peu de temps. T'en vas pas, aime-moi. Would you be love? Oh, donne-moi un peu d'amour.